défiler les paysages, il n'est pas forcément nécessaire d'être en mouvement. Il suffit d'être patient et d'avoir du temps devant soi, énormément de temps, des millions d'années en fait. Un observateur doté d'une telle patience et d'une telle longévité qui se serait posé tranquillement il y a 100 millions d'années quelque part sur ce qui deviendra l'Europe aurait vu le paysage, le climat, la faune et la flore se transformer de façon radicale. Tour à tour, devant ses yeux, aurait défilé un archipel tropical, des terres dévastées, des forêts luxuriantes ou encore des déserts de glace. Au fil de ces bouleversements, notre imperturbable témoin aurait vu la vie s'adapter et évoluer. Il aurait assisté à la fin des ptérosaures, à l'apparition des tigres à dents de sabre et des mammouths, puis à leur disparition. Il aurait enfin vu arriver nos lointains cousins humains. Dans un livre très complet intitulé « Le supercontinent » paru chez Flammarion, Tim Flannery, paléontologue australien, raconte l'histoire de cette terre qui deviendra l'Europe, une terre de tous les changements, soumise à une intense activité géologique et de profonds bouleversements climatiques, mais aussi, plus récemment, à la pression des humains. Cet après-midi, Tim Flannery actionne la machine à remonter le temps et nous emmène à la découverte de l'histoire du vieux continent. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Depuis la toute première campagne de fouilles, on en a été amené à décrire un nouveau dinosaure qui s'appelle Atzinganosaurus velociensis, le dinosaure de vélo. C'est un titanosaure qui fait entre 10 et 12 mètres de long, un dinosaure herbivore, quadrupède, qui a arpenté la Provence à cette période-là. Ce site est extrêmement riche. Il y a plusieurs espèces de dinosaures qui sont présentes. On a des restes également d'un dinosaure cuirassé, un petit ankylosaure. On a également des restes de dinosaures carnivores. Nous avons également les restes d'un reptile volant. Et bien entendu, tout le cortège de la faune classique composé de crocodiliens et de tortues. Bonjour Tim Flannery. Bonjour. Nous étions à l'instant sur un site de fouilles dans les Bouches-du-Rhône. Ce site, comme d'autres en France et en Europe, le prouve bien avant nous. Des dinosaures ont évolué sur le sol de ce qui deviendra l'Europe. Ces animaux ont vécu il y a 75 millions d'années. Dans quel paysage évoluaient-ils ? Well, those dinosaurs really date back to the very beginnings of Europe. Ces dinosaures remontent au début de l'Europe. À l'époque, l'Europe était une île, un archipel, un petit peu comme l'Indonésie ou les îles Salomon, si vous voulez. Et l'Europe se situait entre les grandes masses terrestres, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Nord à l'époque. Alors, votre ouvrage raconte l'histoire de l'Europe, de sa biodiversité, de son climat, de sa géologie. Pourquoi avoir fait commencer votre récit il y a 100 millions d'années ? Il s'était passé énormément de choses déjà avant. Well, that's a very good question. And when I started thinking about the book, I asked myself. Très bonne question. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce livre, je me suis posé la question de savoir où l'Europe avait commencé. Et il s'avère que les premiers organismes identifiables comme étant parfaitement européens remontent à 90 ou 200 millions d'années. C'était les salamandres et des animaux, des amphibiens de la famille du crapaud, par exemple. Donc, ça, c'était le point de départ pour moi. Alors, pourquoi j'ai voulu raconter cette histoire ? Parce que je trouve l'Europe mystérieuse, merveilleuse. Il y a tant de choses inattendues en Europe. Pour un Australien, pour l'Australien que je suis, l'Europe, c'est un endroit assez inconnu. Alors, comment se découpent les continents à la surface du globe il y a 100 millions d'années ? La Pangée, ce continent unique, n'est déjà plus. Déjà, ça a commencé à se partitionner. Sure. Yes, there was back then there was two large supercontinents. Eh bien, il y avait deux supercontinents, l'Eurasie et Gondwana. Every other continent on our planet resulted from the fission, if you want, the breaking apart. Les continents résultent de la fission entre les supercontinents. Il n'y a que l'Europe qui a comme origine la constitution d'un archipel. Et cette histoire-là fait de l'Europe un endroit à part. Oui. Une sorte de carrefour, là où beaucoup d'espèces se sont croisées, sont passées. C'est un point de passage, en fait, cet archipel européen au départ. Oui, c'était tout à fait le carrefour de la planète, l'Europe. Parce que sur le plan géologique, il y avait toute une dynamique. Il y avait des éruptions de volcans, il y avait des îles en formation, les terres qui émergeaient de la mer, puis qui replongeaient dans la mer. Et ainsi, les espèces pouvaient migrer d'Afrique vers l'Europe ou de l'Europe vers l'Amérique du Nord. Ou alors, ces espèces pouvaient se trouver isolées sur des îles. Et c'est ainsi que l'on trouvait des espèces strictement européenne à l'origine. Donc l'Europe était, à cette époque-là, un endroit très dynamique. Et en tant que carrefour, évidemment, il y avait sans arrêt des mouvements d'immigration. Et alors, on a trouvé, d'ailleurs, sur une de ces îles, l'île d'Atseg, qui faisait à peu près la taille de l'Irlande, qui correspond à l'actuelle Roumanie, on y a trouvé de drôles de choses. Allons y faire un tour. Coupée de tout, l'île de Atseg est alors peuplée d'une faune unique, avec parmi ses prédateurs, le bradycnem. On dirait le monde à l'envers. Si les magyarosaures de Atseg ont une allure de dinosaure géant, en réalité, ils ne dépassent pas la taille d'un poney. Ils pèsent environ une tonne, soit 7 fois moins que leurs cousins vivant sur le continent, et 70 fois moins que cet autre parent d'Amérique du Sud, l'Argentinosaurus. Sur l'île de Atseg, les herbivores géants ne trouvaient pas suffisamment de nourriture. Alors, progressivement, pendant des dizaines de milliers d'années, plusieurs espèces se sont adaptées en rapetissant. Tim Flannery, on trouve sur cette île des dinosaures miniatures et puis aussi des ptérosaures gigantesques. Alors les ptérosaures, ce ne sont pas des dinosaures, mais des reptiles volants. Comment expliquer cette inversion des rôles, ces espèces qui grandissent et d'autres qui rapetissent ? This is one of the great paradoxes of life on an island. Eh bien, c'est l'un des grands paradoxes de la vie sur une île. À des époques plus modernes, il y a des espèces qui rapetissent sur des îles. Les biches, par exemple, les cerfs, ou dans le passé, les éléphants. Mais il y a d'autres espèces qui, elles, deviennent beaucoup plus grandes. Donc, il y a des rongeurs qui grandissent, et il y a des lézards qui deviennent géants. Et il en va de même pour l'ancienne Europe. Cette île dont nous parlons avait existé pendant des dizaines de millions d'années. Les dinosaures qui sont arrivés sont devenus petits, donc un petit peu comme les éléphants pygmées plusieurs millénaires plus tard. Mais il y a le ptérosaure, vous en avez parlé, donc une espèce qui était immense, aussi grand qu'une girafe. Imaginez cet animal avec 3 mètres de longueur, un des plus grands prédateurs de l'île, évidemment. Et donc, plus grand que tous les dinosaures de cette île. Ça dépasse un petit peu l'imagination, la vie sur cette île. Essayez d'imaginer ce que pouvait être la vie à ce moment-là, sur cette île. Des bêtes à la Nosferatu, avec une cuirasse, avec des becs très menaçants qui chassaient ces petits dinosaures. Ça semble être de la fiction, mais pourtant ça a existé. On a retrouvé les restes, on a retrouvé des ossements. Et sur ces îles, quelle était la végétation? Pour avoir un peu le tableau complet, hein, en plus de ces drôles de bestioles, quelle était la végétation? The strange thing is that there was the vegetation would have been by and large. Bizarrement, la végétation, elle est comparable à ce que l'on connaît. Imaginez des fougères, ou alors une végétation un petit peu comparable à ce que l'on trouve au Mexique. Ça, c'est dans les plaines. Dans les collines, les montagnes, on trouve des espèces de plantes comparables aux platanes, des platanes que l'on trouve dans les rues de Paris ou de Londres. Alors évidemment, c'est des plantes plus anciennes, hein. Mais, et plus haut, on trouve des pins. Un peu plus en altitude, des pins guère différents de ceux que l'on trouve au Moyen-Orient ou même en Afrique équatoriale. Et quelles autres espèces animales on trouve? Est-ce qu'il y en a certaines, là encore, qui ressemblent à celles que l'on connaît aujourd'hui? We have only fragments of many kinds of animals. À vrai dire, nous n'avons que quelques fragments d'espèces animales à notre disposition. There was amphibians, il y avait maybe somewhat like the midwife toad. Des amphibiens, there was some small comme mammals, le crapaud, very small des mammals, tout petits mammifères, mais des mammifères comme ça, on n'en connaît plus en Europe. Il devait y avoir vraisemblablement des oiseaux, mais là, encore une fois, les fragments sont rares. Maybe some lizards as well, donc peut-être des lézards. Mais nos connaissances sont parcellaires. La plupart des ossements que nous avons retrouvés sont ceux d'animaux plus grands. Et puis survient la catastrophe, la grande catastrophe qui a fait disparaître la plupart des dinosaures de la surface du globe. Aujourd'hui, tous les scientifiques sont d'accord sur le scénario qui a abouti à la fin du règne des dinosaures. I think the scientists will never agree entirely. À vrai dire, je crois que les chercheurs, les scientifiques ne seront jamais tous d'accord sur le scénario. Mais année après année, on a de plus en plus d'éléments et les faisceaux montrent qu'il y a bel et bien eu un astéroïde qui frappe ce qui est maintenant le Mexique. Et ça, c'est ça, la grande catastrophe. Les conséquences pour l'Europe ont été très importantes parce que l'Europe était située proche de l'Amérique du Nord à cette époque-là. Et l'impact dans l'hémisphère nord était tel que les retentissements étaient importants pour ce qui était l'Europe. Les éléments que nous avons à propos de la première vie sur Terre en Europe nous montrent que la plupart des espèces vivantes ont disparu. Alors il y a des animaux qui se sont cachés dans des terriers, dans des tunnels, des choses comme ça, ou dans des lacs même. Et ces espèces ont pu survivre. Quand je vois les ossements, ça me rappelle les images étonnantes de gens qui sortent d'immeubles bombardés pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui voient la lumière pour la première fois. Imaginez ces créatures souterraines qui reviennent à la surface de la Terre. C'était un peu ça, à mon avis. Mais alors, l'astéroïde tombe près de l'actuel Mexique. Au bout de combien de temps les espèces qui vivent en Europe sont-elles impactées? It would have been a matter of minutes for some impacts, quelques minutes, je dirais, pour certaines espèces, peut-être quelques heures. Et donc, il y a eu plusieurs vagues d'impact pendant plusieurs décennies, et peut-être même quelques siècles, d'ailleurs, on peut dire. Les premières répercussions, ce sont des tsunamis géants, des vagues, on parle de vagues de plusieurs kilomètres qui déferlent jusque sur l'Europe. Yes, that's correct, but there were some impacts oui, oui. Even before that. Mais avant ça, il y a eu une onde de choc dans l'atmosphère, onde de choc qui a fait que la vie a été vaporisée, les forêts ont été mises à feu instantanément, le ciel était plein de fragments, de chaleur incroyable, une chaleur et des feux dans le ciel. Puis donc cette onde de choc des océans et les tsunamis, comme vous dites, oui, d'immenses vagues. Mais alors, quelle famille, quel groupe d'animaux ont survécu? Parce que ce que vous décrivez, on a l'impression qu'il ne devrait rien rester, pas même une bactérie. Well, the survivors were really mostly small. Les espèces survivantes étaient de petite taille pour la plupart. Et c'était des espèces qui ont pu battre retraite dans la Terre pour échapper à ces immenses retentissements sur Terre, ou alors ils se sont cachés dans des lacs d'eau douce. La vie dans les océans a été complètement bouleversée, des extensions incroyables. Mais dans les lacs d'eau douce, là, la survie de certaines espèces était plus possible parce que en réalité, c'est le pourrissement des plantes qui donne à manger aux espèces. Et après la catastrophe, il était encore possible pour certaines espèces de se nourrir dans des lacs. Sur Terre, les espèces survivantes ont dû manger des graines, peut-être, ou alors des aliments qui auraient échappé peu ou prou à ces retentissements. Il y aura quelques rescapés aussi parmi les dinosaures, puisque les oiseaux actuels sont les descendants d'une des branches des dinosaures. La grande majorité des dinosaures disparaît, laissant le champ libre à d'autres espèces. Il faudra des millions d'années d'évolution, jalonnées par des bouleversements climatiques et géologiques, pour arriver à l'Europe, avec le paysage et la biodiversité que nous lui connaissons aujourd'hui. C'est ce que nous allons découvrir avec notre invité dans un instant. Le paléontologue Tim Flannery nous raconte l'histoire de notre continent sur France Inter. c'était It Might Be Time, Tame Impala, un groupe australien, en clin d'œil à notre invité paléontologue australien Tim Flannery. France Inter, du vent dans les synapses. Tim Flannery qui signe aux éditions Flammarion Le Super Continent, une histoire naturelle de l'Europe. Vous qui venez d'Australie, Tim Flannery, avec une faune absolument fascinante pour nous Européens, avec ses kangourous, ses koalas, ses ornithorynques, comment en êtes-vous venu à vous intéresser à l'histoire de la vie sur le continent européen au cours des 100 derniers millions d'années? Well, look, it's a long story, but l'histoire prendrait du temps à raconter. When I first came to Europe, quand je suis venu en Europe pour la première fois, le jeune homme que j'étais pensait être européen. En effet, nous avons un héritage européen. Mais en arrivant, je me suis rendu compte que l'Europe, c'était un endroit particulièrement différent de l'Australie, un endroit exotique pour moi. Et ça m'a fasciné. La faune, l'histoire, les peuples, et donc j'ai commencé à lire tout ce qui me tombait sous les yeux, et j'ai fait ça pendant une trentaine d'années, puis au bout d'un moment, je me suis dit que je commençais à comprendre ce qu'était l'Europe. Et je me suis dit, je vais raconter cette histoire. Aucun Européen ne l'a fait. Peut-être que les Européens pensent que l'Europe est ordinaire et ne mérite pas la peine qu'on écrive dessus. Donc j'écris, vu de l'extérieur, et j'écris à quel point l'Europe est un endroit particulier. Alors, puisque c'est un endroit particulier, prenons le temps de l'explorer, on poursuit notre voyage dans l'espace et le temps à la découverte du passé de l'Europe. Nous sommes cette fois sur un chantier de fouilles en Allemagne. À une trentaine de kilomètres de la ville de Francfort en Allemagne, le site de Messel est un gisement unique au monde de fossiles de la période de l'Éocène, une vingtaine de millions d'années après la disparition des dinosaures. Messel nous montre à quel point les mammifères ont profité de la disparition des dinosaures. Leur essor est spectaculaire. Il y a 47 millions d'années, dans la jungle qui recouvre l'Europe, les mammifères évoluent et se diversifient. Propaléothérium, l'ancêtre du cheval, est un herbivore qui se nourrit de feuilles et de graines. L'étrange Leptisidium pourchasse les insectes et d'autres petites proies. Europolémur vient d'apparaître. C'est un lémurien de près d'un mètre de long. Un des premiers primates, la grande famille de mammifères qui comprend les singes et les hominidés. Près de 40 espèces distinctes de mammifères ont été retrouvées à Messel. Mais certains signes montrent aussi que le long combat de nos lointains ancêtres est loin d'être terminé. Nous étions sur ce site remarquable, site de fouilles de Messel, situé en Allemagne, d'où surgit ce lointain passé. Pourquoi autant d'animaux se sont fossilisés précisément ici, Tim Flannery? Well, look, the Messel site is one of the world's most remarkable fossil sites. Le site de Messel, c'est un des sites de fossiles les plus remarquables au monde. C'est un concours de circonstances incroyables. Tout d'abord, imaginez une forêt tropicale avec une diversité incroyable. Puis, une zone volcanique où il y a un volcan qui a fait disparaître la montagne. Il s'ensuit la formation d'un lac très profond. Au fond du lac, il n'y a pas assez d'oxygène. Mais, autre élément important, à proximité, ou peut-être même dans le lac, il y a une source de dioxyde de carbone. Et donc, il y a des bulles à la surface. Donc, tout animal qui boit à la surface du lac ou qui vole par-dessus le lac peut suffoquer en raison de ce CO2. Donc, on s'émerveille devant les momies égyptiennes et les peintures rupestres autres, mais ce site à Messel, en Allemagne, près de Francfort, est encore plus remarquable. Il y a des fragments qui datent d'il y a 50 millions d'années. Il y a des animaux en train de copuler, qui se sont fossilisés en copulant. Il y a des fragments que l'on retrouve absolument incroyables. Parce qu'ils sont tombés à pic dans ce lac et qu'au fond du lac, ils ont été conservés pendant des millions d'années. Parce que là, on remonte à des temps très lointains. That's correct. And it gives us that Oui, et ce lieu nous fait comprendre ce qu'était l'Europe tropicale, si je puis dire. L'Europe au plus chaud de son existence. Et par ailleurs, c'est un petit cliché, en quelque sorte, de l'Europe en transition. On voit des espèces dont on sait que les origines sont en Asie, elles sont en train de se rendre vers l'Amérique du Nord. Et des espèces surprenantes qui viennent d'Afrique et qui sont en Europe au moment de ce cliché. C'est tout ce que l'on sait de ces espèces. Vous voyez, c'est un instantané assez frappant. Un instantané survenu 20 millions d'années après la disparition des dinosaures. Alors que s'est-il passé entre cette grande catastrophe que l'on évoquait hein, dans la première partie de l'émission, et puis 20 millions d'années plus tard, la vie semble avoir repris ses droits, avec de nouvelles espèces foisonnantes. Comment la vie a réémergé après la catastrophe ? C'est une question intéressante. À vrai dire, la réponse est un petit peu complexe, mais fondamentalement, 20 millions d'années, ça suffit aux grands animaux à réévoluer. Donc, on retrouve des animaux de taille assez importante à Messel, mais 20 millions d'années, ça suffit au flux migratoire de ramener des espèces en Europe. Donc, par exemple, on retrouve des rossignols, c'est absolument incroyable. Et puis un oiseau prédateur d'Amérique du Sud aussi. Donc, entre les migrations et l'évolution, dans un climat propice, dans un environnement fertile et dynamique, on retrouve une situation qui va annoncer la diversité de l'Asie du Sud-Est, mais là, on est en Europe. Et il y a par exemple, vous citiez les oiseaux, un oiseau de 2 mètres de haut, exclusivement herbivore, il se nomme le Gastornis. Et alors, j'ai noté particulièrement celui-ci, parce que on en a retrouvé des ossements fossiles ici, à Paris, sous nos pieds. Indeed, and here in Paris, oui, et à Paris, là où nous sommes sur un lieu incroyable, à Montmartre, par exemple. Et on a retrouvé du gypse pour les plâtres de Paris, évidemment, mais il y a des couches et des couches de fossiles, y compris ces ossements de ce Gastornis, cet immense oiseau herbivore. Donc là, on est à 40 millions, 50 millions d'années en arrière. Mais lorsque l'on regarde les bâtiments de Paris, on voit cette magnifique couleur beige, le calcaire, cette très belle couleur. Moi, quand je me promène dans les rues de Paris, j'imagine l'Europe de l'époque où il y avait ces immenses oiseaux, des crocodiles, tout un tas d'espèces très différentes. À quoi ressemblait le paysage, là encore ? Faites-nous faire un bond dans le temps, si on se promène en France, dans la région parisienne, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on croise ? C'est une très bonne question. Bien qu'on n'ait pas beaucoup de plantes fossiles en Europe, on sait ce qu'il y avait ailleurs en Europe. Et il y a beaucoup d'espèces dont on sait qu'elles remontent très loin et on retrouve des représentants vivants dans le Pacifique, par exemple la mangrove, le palétuvier, une espèce de palmier dont on retrouve des fossiles ici en Europe. En Italie, on a retrouvé des fragments d'eucalyptus, qui est une espèce indigène en Australie aujourd'hui. Donc, c'était une forêt tropicale ici. Ouais, une forêt tropicale. Et puis, on avance dans le temps à grandes enjambées, mais il y a 34 millions d'années, survient un changement radical, un changement qui marque le début de l'Oligocène. Que se passe-t-il ? C'est un événement géologique qui se passe à des milliers de kilomètres de nous qui va tout changer ? Il y a environ 34 millions d'années, on assiste à un changement dans la circulation des océans. Ainsi, la planète se refroidit, de manière assez spectaculaire d'ailleurs. Concomitamment, l'Europe se rapproche de l'Asie. Et il y a une migration massive d'espèces asiatiques qui viennent vers l'Europe. Des espèces qui étaient mieux acclimatées à ce climat plus frais. peu de temps après, le lien avec l'Amérique du Nord a été perdu et la dynamique de la vie en Europe a commencé à être bouleversée. Et si, j'ai bien suivi hein, dans votre livre, c'est en se détachant, donc la pointe de l'Amérique du Sud qui se détache du reste du continent antarctique, qui crée un courant de circulation autour de l'Antarctique. Et c'est ce courant froid qui va faire un peu se transformer la planète en frigo, en tout cas qui va abaisser la température de façon extrême. Yes, that is indeed. Oui, c'est tout à fait ça. On the opposite side of our Earth, des événements qui se passent à l'autre bout de la planète ont un effet très important sur l'Europe à cause de ces courants. Et en Europe, on voit ces changements millénaire après millénaire, et il y a des extinctions d'espèces tropicales, l'invasion d'autres espèces qui viennent d'Asie, et tout cela bouleverse la vie en Europe. Ce qui est tout à fait frappant et fascinant hein, quand on vous écoute, c'est de voir à quel point un événement local a des répercussions à l'échelle planétaire, et pas des moindres. Toute la vie à l'échelle de la planète peut être impactée par un événement géologique à un endroit donné. Yes, look, our planet is oui, what is called notre planète est reliée sur le plan télécinétique. Autrement dit, un événement dans un lieu peut avoir des retentissements partout dans le monde. Et les continents, quant à eux, sont en train de se déplacer. Et l'un des événements les plus extraordinaires survenus en Europe à cette époque, c'est la survenue des animaux qui chantent, les animaux que l'on trouve aujourd'hui en Europe. Tous ces oiseaux qui chantent, que l'on connaît bien, eh bien, ils viennent d'Australie, figurez-vous. L'Australie a exporté très peu d'espèces vivantes dans le reste du monde, mais le grand triomphe de l'Australie, c'est d'avoir exporté ces oiseaux chanteurs. Pourquoi sont-ils arrivés en Europe? Parce que l'Australie s'était déplacée vers le nord, permettant aux oiseaux d'arriver d'abord en Asie du Sud-Est, puis en Europe. D'autres surprises géologiques sont à venir. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore parlé des Alpes ou des Pyrénées. Ce n'était pas un oubli, ces chaînes de montagne n'était pas encore apparu et Homo sapiens est encore très loin de pointer le bout de son nez dans cette histoire dont nous allons poursuivre le récit avec notre invité, le paléontologue Tim Flannery, dans un instant. Les loups trésors, est-ce qu'elle est là ou loin encore? Forme de ton corps. Island Blue, c'était Anne Brun sur France Inter. France Inter. Du vent dans les synapses. Un plateau calcaire au sol déchiqueté, érodé par les affres du temps, parsemé de fissures et de crevasses. Face au massif du Mont Blanc, une curiosité géologique qui, par son ampleur, est unique en Europe. Tout le monde peut passer, là ? Pour accéder au désert de Platée, il faut marcher pendant plusieurs heures. Ah, c'est intéressant. Dans les cailloux calcaires, on voit des petits trous qui sont rebouchés, là, au bout de mon bâton, qui sont le travail des trous percés par des coquillages marins d'autrefois qu'on appelle des pholades. Moi, je trouve ça complètement fascinant d'avoir des fonds marins comme ça en haute montagne et de retrouver des animaux qui sont encore en ce moment dans l'eau. Bah, ici, fossilisés, qu'à traverser les âges, quoi. Nous étions en randonnée quelque part dans les Alpes, toujours en compagnie de Tim Flannery, auteur d'un livre intitulé « Le supercontinent » aux éditions Flammarion. Alors les scientifiques ont mis du temps à comprendre pourquoi on trouvait des fossiles de coquillages en altitude dans les Alpes, mais aussi dans les Pyrénées. Quelles hypothèses ont été émises par le passé pour expliquer la présence de ces fossiles à des altitudes assez importantes ? Well, back in the 18th century, many people would have invoked Noah's flood. Il y a des gens qui ont invoqué le déluge. Mais au fil des années, Louis Agassiz et d'autres chercheurs ont commencé à émettre d'autres hypothèses. Ils se sont intéressés à la tectonique des plaques, le mouvement des glaciers, et donc on arrive à des explications plus plausibles. Alors, venons-en à ces explications plus plausibles. Quand sont apparues les Alpes et les Pyrénées ? Finalement, assez tardivement dans cette histoire de 100 millions d'années que vous nous racontez aujourd'hui. Même à l'époque des dinosaures, il y a quand même des montagnes que l'on pourrait qualifier de proto-Alpes. Mais les Alpes modernes, telles qu'on les connaît, ont commencé à exister il y a 20-30 millions d'années. L'Afrique commence à se déplacer vers le nord, vers l'Europe. On assiste à la compression de la croûte terrestre et à des éléments de l'Afrique qui commencent à chevaucher le sud de l'Europe. Et le résultat est incroyablement complexe d'un point de vue géologique. Lorsque j'ai étudié cela lors de la rédaction du livre, j'ai commencé à avoir un peu mal à la tête parce que c'est très complexe. Mais le Matterhorn, par exemple, eh bien, les 900 mètres du haut, c'est pas du tout de l'Europe, c'est de la roche africaine. C'est incroyable. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a une vingtaine de millions d'années, les Alpes avaient atteint l'altitude que l'on connaît aujourd'hui. Et la flore des Alpes avait commencé à évoluer, à se former à cette époque-là. Alors cette période, hein, entre 23 millions d'années et 5,3 millions d'années avant notre ère, vous dites qu'à cette période, l'Europe connaît son époque la plus enchanteresse. C'est la période du Miocène, hein, pour le dire avec les termes géologiques. Pour quelle raison, à vos yeux, cette période est la plus faste pour l'Europe ? I love the Miocene. J'adore le Miocène, personnellement. Can you imagine a Europe with 15 Imaginez species of rhinos? L'Europe avec 15 espèces de rhinocéros, avec des primates, des éléphants, diverses formes d'éléphants, des animaux qu'on ne connaît pas aujourd'hui. L'Europe était d'une immense richesse. C'est un endroit merveilleux. Ça me rappelle de la faune que l'on voit en Afrique aujourd'hui. Voilà. Mais avec encore plus de diversité et de richesse en Europe à cette époque-là. Oui, c'est ça, avec des espèces très bizarres, hein, comme le calicotère. Qu'est-ce que c'est le calicotère ? What is a calicothea? This been answered in many ways in the past. When the animal was first discovered, lorsqu'on a découvert cet animal pour la première fois, ses ossements étaient tellement bizarres que le crâne, on l'a mis dans l'ordre d'un mammifère et les pieds dans un autre ordre de mammifères. Il a fallu des décennies pour comprendre que c'est un seul animal, le calicotère. Ce sont des créatures qui ont, disons, la tête d'un cheval, le cou d'une petite girafe, le corps d'un gorille et les avant-bras d'un gorille, mais les mains et pieds sont dotés de griffes incroyables. C'est difficile à imaginer. Hein. Mais c'est de la taille d'un cheval, donc des herbivores de très grande taille. Il a une tronche de canular, en fait, cet animal. Yes, exactly. Very much like a hoax. But you know, oui, c'est ça. It's our obligation as paleontologists to conjure these beings into existence. Il faut qu'on fasse travailler notre imagination et qu'on leur donne une existence plausible. Du reste, il y a un animal dont je voudrais faire revenir à la vie avec une baguette magique. Eh bien, c'est le calicotère. Ça défie l'imagination. Quand aperçoit-on les premiers grands singes en Europe, Tim Flannery? Large apes appear. Les grands singes sont arrivés en Europe vers la fin du Miocène. Nous avons trouvé des fragments en Grèce qui indiquent qu'il y avait un singe de la taille d'un gorille en Grèce, un ancêtre du gorille peut-être, et il y avait un singe de plus petite taille, mais c'est très mystérieux. Grecopithéus, ça s'appelle. C'est peut-être le premier singe qui se tenait debout, et c'était il y a 6 ou 7 millions d'années, autant que l'on sache. Autre phénomène géologique qui va survenir là encore à cette période et qui va avoir de grandes conséquences, c'est l'assèchement de la mer Méditerranée. La mer Méditerranée va se vider complètement, et là encore, ça va avoir un impact pour toute la planète. This is the most astonishing phenomenon for me. Oui, alors là, c'est le phénomène que je trouve le plus étonnant. With the pillars of Hercules joining and the Mediterranean. Donc les piliers d'Hercule se rejoignent, la Méditerranée se détache de l'Atlantique et la Méditerranée s'assèche. Les rivières ne sont pas suffisantes pour remplir la Méditerranée. Imaginez que vous êtes debout dans une plaine salée et vous regardez une montagne à 7000 mètres d'altitude. Vous êtes en dessous du niveau de la mer, la température là où vous êtes est à 80 degrés. Rien sur Terre n'existe de la sorte aujourd'hui. C'est extraordinaire cet événement. C'est un phénomène incroyable. Mais imaginez que la Méditerranée se re-remplit. Il y a certains scientifiques qui pensent que la Méditerranée s'est re-remplie en l'espace de quelques, tenez-vous bien, semaines ou mois. Imaginez l'eau qui arrive de l'Atlantique pour remplir la Méditerranée. Les autres océans ont baissé de 10 mètres. Donc, c'est pas du tout la même chose, les océans à la surface de la planète avec tous ces événements. C'est saisissant. Ouais. On trouve quoi comme espèce animale dans les océans qui bordent l'Europe à cette époque? Je pense aux mégalodons tout particulièrement. À cette époque, les requins n'étaient pas sympas parce qu'on avait des requins immenses sur les rivages de la Méditerranée. Le mégalodonte, 16 mètres de long, au moins. Les plus grands requins d'aujourd'hui font quoi? 7 mètres? Donc, imaginez cet immense requin de la taille d'un autobus londonien. Et c'était un requin qui mangeait des baleines. Il avait des dents de 15 cm de long. On a retrouvé des restes de baleines avec des traces de morsures de requins sur les nageoires et la queue de la baleine. La baleine n'avait aucune chance contre un tel prédateur. Encore une fois, ça défie l'imagination. C'est un univers complètement différent. Mais on a trouvé les restes, on a les restes fossilisés, on sait que ça existait. Après cette période, vont se succéder plusieurs épisodes glaciaires. Là encore, la vie va devoir s'adapter. Comment la vie a-t-elle évolué? C'est ce que vous allez nous raconter dans la suite de cette émission. Tim Flannery, dans un instant. Du monde ne passera pas. Je ne passera pas. Douche prêt pour l'air glaciaire. Les dodos ne le relanceront pas. L'instinct de survie distingue le dodo de la bête. Ah, les dodos ne s'éteindront pas. Douche prêt pour l'air glaciaire. À Lille, sur la grande place, par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face. Elle a glissé l'argent sous la tasse. S'est levée, je l'ai perdue. J'aurais dû C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. On a presque poussé la porte, presque passé sous le porche. Et puis dans la cour fleurie, le mot qu'elle a dit. Sur sa joue j'ai posé mon index, elle a glissé sa main sous ma veste. Un peu plus et là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Je t'ai presque écrit ce matin, presque pris mon courage à deux mains. Te dire qu'à Lille, sur la grande place, j'avais ton profil de face. Amoureux dans la cour, c'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour, c'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'était Alain Souchon qui chantait presque, et la programmation musicale de cette émission est signée Muriel Pérez, et à la technique, c'est Arthur Le Breton. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. La carcasse d'une femelle mammouth a été retrouvée dans un état de conservation exceptionnel. Une expédition russe a fait cette découverte dans le sol gelé d'un îlot de l'océan Arctique. Des tissus musculaires encore rouges ont été extraits, et plus encore lorsque la glace a été percée sous le ventre de la bête. C'est bien du sang qui aurait coulé, du sang de 10 000 ans d'âge, retrouvé liquide par moins 10 degrés, de quoi ravir les scientifiques. Un échantillon du sang a été mis au congélateur du musée du mammouth à moins 17 degrés Celsius et il n'a pas gelé. Nous devons approfondir nos recherches avant d'en tirer des conclusions. Extrait d'un reportage diffusé sur Euronews en 2013. Tim Flannery, les mammouths se sont mieux conservés dans le sol gelé de ces îles. Là, nous étions dans l'océan Arctique. Mais il y a eu des mammouths en Europe ? Ah oui, sans l'ombre d'un doute. Et lorsque il y avait l'avancée des glaces vers l'Europe, il y avait une abondance de mammouths. Il y avait des rennes, il y avait des antilopes arctiques, et c'était des espèces communément répandues. Pourquoi ces périodes glaciaires à répétition dans notre longue histoire que nous avons brossée à grands traits dans cette émission, nous sommes partis à 100 millions d'années, et vers la fin de l'histoire, des périodes glaciaires reviennent régulièrement. Qu'est-ce qui les explique ? Les glaciations ont commencé il y a environ 2,5 millions d'années. Ces glaciations sont guidées par des cycles célestes. C'est les axes de la Terre, des planètes qui sont à l'œuvre. Alors, vous me direz, ça existe depuis des millions d'années. Donc, pourquoi que cela provoque des glaciations il y a 2,5 millions d'années? Eh bien, une partie de la raison, c'est que la Terre s'était suffisamment refroidie pour que les océans soient suffisamment froids pour d'obtenir des grands volumes de CO2. Et lorsqu'il y a du dioxyde de carbone qui passe de l'atmosphère aux océans, la température baisse à tel point de rendre la glaciation possible. Ensuite, tous les 100 000 ans, il y a un cycle. Il y a l'avancée de la glaciation, puis la glace, si je puis dire, bat en retraite. Alors ces mammouths ont prospéré dans cet univers de glace. Comment ont-ils disparu? Pourquoi ont-ils disparu? En réalité, les mammouths ont survécu si tard que les premiers pharaons d'Égypte ont vraisemblablement vu des mammouths, à condition qu'ils aillent en Sibérie, bien entendu. Mais les mammouths ont survécu jusqu'il y a 10 000 ans, même dans la partie occidentale de la Russie. Moi, je me dis que les mammouths étaient là quasiment la semaine dernière. Et dans mes rêves, je me dis que j'aurais presque pu voir un mammouth. Ils ont été tellement bien conservés dans la glace. Alors, pourquoi les mammouths ont-ils disparu? Eh bien, ils ont fait l'objet d'une chasse féroce par l'homme. Et du reste, nous faisons la même chose contre les éléphants aujourd'hui. La chasse, c'était le coup de grâce, en quelque sorte. Ce n'est donc pas le réchauffement qui a causé la disparition des mammouths, c'est avant tout l'humain, la présence des humains. I think so. I think warming may have weighed against the survival of the mammoths. Oui, le réchauffement n'a pas arrangé les choses. Mais les chasseurs humains sont très efficaces. Je crois qu'il y a 10-12 000 ans, il devait y avoir 14 espèces d'éléphants. Aujourd'hui, il en reste quoi? Deux? Autrement dit, les chasseurs ont fait un bon boulot. Et les deux espèces restantes sont évidemment en déclin, particulièrement alarmant. À partir de quand les humains arrivent en Europe, arrivent dans cette histoire que nous racontons? Well, this is a great question because the answer is not what you think. La réponse, vous allez voir, est inattendue. The fossil record is quite good with this. Donc on a des fossiles, assez clairs. On voit que des Africains qui ressembleraient à des Africains d'aujourd'hui arrivent à la périphérie de l'Europe il y a environ 38 000 ans, dans le corridor du Danube. Et là, ils rencontrent Néandertal. Et il y a une hybridation. On est il y a 38 000 ans. Donc on a une population hybride qui se vient vers l'Europe. Ils sont quoi? À 90% africains, 10% néandertaliens. Et ils survivent jusqu'il y a 14 000 ans en tant qu'une population hybride stable en Europe. Donc quand vous me demandez, lorsque les humains sont arrivés en Europe, ben je répondrai, eh bien, il y a 14 000 ans. Comparez cela à l'Australie, où l'homme arrive il y a 50 000 ans. Et on voit que la colonisation de l'Europe par les êtres humains modernes, il y a 14 000 ans, arrive tardivement. Parce qu'auparavant, il n'y avait que l'hybridisation entre les hominidés d'origine africaine et Néandertal. Mais Néandertal fait aussi partie du genre humain, alors que Néandertal était là depuis longtemps en Europe. Oui, c'est bien, je vous donne une réponse qui est une réponse parmi d'autres. Mais si l'on inclut Néandertal parmi les êtres humains modernes, eh bien quoi, 800 000 ans, voilà la réponse. Mais pour moi, les êtres humains dits modernes sont l'espèce qui a évolué en Afrique il y a 200-300 000 ans, pour arriver en Europe plus tard. Et alors, depuis combien de temps l'humain pèse de façon majeure sur l'écosystème et sur l'évolution des espèces qui vivent en Europe? On peut remonter à Néandertal pour répondre à la question. Quand Néandertal arrive, il y a par exemple les félins à dents de sabre qui disparaissent. Il y a 500 000 ans environ, mais le grand retentissement date d'il y a 20 000 ans à peu près. Tout d'abord, on assiste à l'extinction des grands mammifères, puis progressivement, à mesure qu'un groupe d'humains passe d'Asie occidentale pour arriver en Europe en apportant l'agriculture, la domestication et ainsi de suite, on voit une diminution de la vie sauvage. et il y a une croissance exponentielle de la population d'êtres humains. Et ce processus se termine après la Deuxième Guerre mondiale. Avant la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement tous les centimètres carrés de la surface de l'Europe étaient utilisés. Projetons-nous dans le futur, dans 100 millions d'années, comment voyez-vous l'Europe, Tim Flannery? Soupir. 100 million years from now. Ah, dans 100 millions d'années maintenant. I think it's going to be a wild planet. Ah, ce serait une planète sauvage. The humans or our, it won't be humans, but perhaps bon, our descendants will be humains. Part of that mix. Nos descendants feront partie d'un heureux mélange. Non, voyons 100 ans, dans 100 ans plutôt. Ouais. Alors, dans 100 ans. Dans 100 ans. Parce que dans 100 ans, là, je crois qu'on pourrait voir les choses de façon un petit peu plus claire. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a assisté à l'abandon de terres en terre et à un réensauvagement. Des espèces comme le loup, le cochon sauvage, le sanglier sont en essor en quelque sorte. Et il y a l'urbanisation. Les gens quittent les campagnes pour aller dans les villes. Et dans 100-200 ans, je dirais que les grandes forêts d'Europe vont s'étendre considérablement. Il y aura un réensauvagement et les gens vivront dans un archipel de villes. Et je pense que les jeunes Européens vivront cette aventure de la vie sauvage. Ils vont aller dans des forêts, ils vont aller vivre avec les grandes bêtes sauvages de l'Europe. Il y aura, qui sait, des éléphants, des rhinocéros, des lions et d'autres carnivores. Parce que l'Europe, ce sera le lieu, le continent où ces grandes créatures, ces grands animaux pourront vivre parce qu'il y aura beaucoup d'espace pour eux. Merci Tim Flannery et merci à Xavier Combes pour la traduction. Je rappelle le titre de votre livre, Le Supercontinent, une histoire naturelle de l'Europe, paru chez Flammarion. Un grand merci à vous. Thank you so much. It's been wonderful being with you. Thank you very much. À samedi prochain, 15h pour de nouvelles découvertes et dans un instant, place à la musique avec Jean-François Zigel et sa preuve par Z.